Ne pas être fasciné par Bernard de Montréal. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de ce sujet, étant donné que depuis plusieurs années, je vis une forme de fascination par rapport à Bernard de Montréal, qui a été une figure marquante dans le domaine de la conscience supramentale au Québec, qui a initié un mouvement de conscience sans précédent ici. Et c'est sûr que, par rapport à lui, c'est extrêmement facile de vivre une forme de fascination par rapport à la puissance de son verbe, sa capacité de parler d'une manière directe, claire, précise et extrêmement vibrante de certains sujets. Mais, comme il l'enseignait, il faut être capable de ne pas être fasciné par aucune forme. Et dans un sens, même l'instruction supramentale lorsqu'elle est intellectualisée par l'ego, devient une forme. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aborder l'importance de ne pas être fasciné par Bernard de Montréal, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui, comme moi, ont vécu ou vivent présentement une forme de fascination à son égard. Donc, il y a des gens qui entreprennent un cheminement d'éveil de conscience. Lorsqu'ils sont jeunes, ils peuvent être fascinés par la religion, par des prêtres, par des gourous, par les spiritualités orientales, par le nouvel âge, par des maîtres spirituels, par la suite des gens qui sont des moines bouddhistes, par le Dalai Lama, par le pape, par des guérisseurs, par des magnétiseurs, par des gens qui se disent contactés par les extraterrestres. Donc, il y a des gens qui cheminent dans le domaine de la conscience et passent d'une fascination à l'autre. Donc, pendant une période de temps de ma vie, je m'intéressais au Dalai Lama et aux spiritualités orientales. Là, j'ai délaissé ça à un moment donné pour d'autres choses. Et puis, éventuellement, je me suis intéressé à l'instruction que véhiculait Bernard de Montréal. Et depuis ce temps-là, je m'intéresse moins aux autres choses parce que je trouve que cette instruction a une vibration qui est beaucoup plus élevée à travers ce qui a été véhiculé dans le passé, que ce soit par rapport à la religion, aux philosophies, des intellectuels là, en Europe, que ce soit l'existentialisme, Jean-Paul Sartre, les philosophies orientales, le bouddhisme, ensuite le Nouvel Âge, toutes sortes de choses que j'explorais dans le passé. Et l'un des éléments qui m'ont amené à vivre une forme de fascination à l'égard de l'instruction de Bernard de Montréal, c'est la vibration qui est véhiculée dans son instruction et sa parole qui se démarque de ce qui a été fait au préalable. Donc, autrement dit, je ressentais une puissance d'une vibration lorsque j'écoute ces enregistrements qui faisait écho à une réalité que je porte en moi. Donc, d'entendre quelqu'un qui canalise du matériel qui provient de l'esprit fait écho simultanément à l'esprit qu'on porte en soi. Donc, ça fait écho à une sensibilité si on est capable de le percevoir. Donc, si notre conscience est en état d'éveil, de conscientisation, eh bien, à ce moment-là, on commence à percevoir l'énergie de son propre esprit simultanément que lorsqu'on l'entend s'exprimer l'esprit à travers un autre individu. En philosophie, on dit que le semblable ne peut qu'être connu par le semblable. Et pour percevoir quelque chose chez une autre personne, il faut à quelque part déjà le porter en soi. Donc, si on perçoit chez quelqu'un une forme de dévotion et qu'on admire ça, c'est parce que peut-être qu'on a un côté qui vit de la dévotion. Donc, pour les gens qui sont dans la haute spiritualité, qui vont, par exemple, vouer des cultes à certaines divinités, à certains anges, donc qui font écho à leur désir de plaire à des êtres spirituels, alors que quelqu'un qui touche à une vibration mentale, qui est branché avec cette vibration-là, il va seulement vivre un phénomène de résonance avec des gens qui portent également cette vibration mentale. Et comme présentement, ils sont très peu nombreux à l'échelle de la planète, d'être en contact avec un individu qui véhicule cette vibration, ça court pas les rues. Donc, c'est sûr que lorsque j'ai tombé sur les enregistrements de Bernard de Montréal, en très grande quantité, c'est incroyable. Pendant près de 25 ans, il y a au-dessus de 500 enregistrements qu'il a produits. Ben, ça m'a fasciné, ça a captivé mon intérêt. Je me suis écouté du Bernard de Montréal le matin en mangeant mes céréales. Sur l'heure du dîner, lorsque je vais prendre des fois des marches à l'extérieur, lorsque je vais laver également la vaisselle, donc à différents moments de ma journée, pour rester dans cette vibration que je n'ai pas retrouvée ailleurs. Donc autrement dit, la vibration mentale qui est véhiculée par quelqu'un qui manifeste avec force, avec une puissance, une vibration qui se rattache au plan de l'esprit, ne se retrouve pas par rapport à des gens qui vont, par exemple, canaliser du matériel qui est astral. Donc, les médiums, entre autres, qui canalisent des entités avec des noms bibliques, que ce soit Jésus, la Sainte Vierge, ou également des anges, ou également des extraterrestres, souvent la vibration n'est pas aussi haute, n'est pas aussi forte et n'est pas aussi électrisante pour le mental. Donc, autrefois, je m'intéressais entre autres à des gens qui faisaient du channeling. Entre autres, il y avait des entités, là, c'était surtout début des années 2000 là, que je lisais des livres là-dessus et qui canalisaient du matériel. Donc, ça avait une certaine vibration, mais lorsque j'ai tombé sur les enregistrements de Bernard, j'ai délaissé ces enregistrements-là, j'ai délaissé mon intérêt pour les philosophies orientales, le bouddhisme, entre autres, qui m'intéressait, les notions de karma, de réincarnation qui étaient véhiculées par ça. Donc, ça m'a amené à mettre de côté certaines choses parce que je trouvais plus dynamisant d'écouter les enregistrements de Bernard pour faire des tâches qui peuvent être extrêmement simples, hein, d'écouter un enregistrement de Bernard lorsque j'effectue le ménage chez moi. Ça me donne plus d'énergie que d'écouter certains conférenciers de type nouvel âgeux. Surtout quand Bernard prend la parole et il va s'affirmer avec un verbe puissant. Des fois, on l'entend se fâcher, prononcer quelques jurons. Donc, lorsqu'on sent que la vibration est haute, d'être dynamisé par cette perception vibratoire pour faire une tâche répétitive, comme par exemple le ménage, eh bien, ça donne une vitalité que je ne retrouvais pas en écoutant certains conférenciers qui sont plus lourds intellectuellement, là, qui vont citer abondamment des références, donc des grands intellectuels qui vont parler de psychologie, de philosophie, donc de différentes choses, mais avec une vibration qui est plus réflexive. Alors que lorsqu'on entend une parole qui est sans réflexion, bien, c'est sûr que ça dynamise l'organisme parce que cette parole-là est libre de forme intellectuelle et elle est chargée d'énergie à l'état brut, à l'état pur. Donc, l'énergie n'est pas diluée par des réflexions qui viennent alourdir, qui viennent des fois nous endormir lorsqu'on entend la personne parler, comme un peu lorsqu'on va écouter un professeur d'école qui est parfois ennuyeux parce qu'il répète le contenu qu'il a répété l'année passée et les autres années d'avant, comme il répète une cassette. Donc, comme une cassette qui ne fait que régurgiter les mêmes formes mémorisées. Alors que lorsqu'on entend une parole qui est créative, ben, on ne sait pas où est-ce que ça va aller. C'est pas calculé, c'est pas étape par étape, ça peut aller dans plusieurs directions. Donc, à ce moment-là, il y a une dynamisation à ce niveau-là parce que ça suit un courant d'énergie qui est plus naturel au lieu de suivre une logique qui est plus linéaire. Mais tout ça pour vous dire que s'il y en a certains d'entre vous qui vivez une forme de fascination à l'égard de l'instruction de Bernard de Montréal, tout comme moi, ben ce qu'il faut comprendre, c'est que ultimement, lorsqu'on intègre son instruction, que ce soit en lisant ses textes, en écoutant des vidéos où il prend la parole ou également des enregistrements audio qu'il a produits, c'est d'en venir à comprendre et d'intégrer réellement le principe qui est véhiculé, à savoir que il faut être capable d'être libre de la forme. Et être libre totalement de la forme, c'est d'être capable d'être fasciné par rien. Donc, d'arrêter d'être fasciné par la religion, ça, beaucoup de Québécois ont fait le pas, surtout après la Révolution tranquille, où les églises se sont vidées. Donc, les gens ont arrêté d'être fascinés par la religion, mais dans certains cas, il y a des gens qui ont été fascinés par les philosophies orientales qui ont remplacé ça. Et par la suite, ça a été de la fascination pour le nouvel âge, entre autres, les coachs, les motivateurs, la psychologie populaire. Donc, il y a différentes autres formes de fascination qui ont remplacé ça. Mais éventuellement, il ne faut plus être fasciné par ça. Il y a un certain nombre de personnes qui écoutent les enregistrements de Bernard qui ont dépassé ça parce que leurs taux vibratoires se sont élevés. Et à ce moment-là, de se nourrir d'une vibration qui est plus élevée fait en sorte qu'ils seront moins intéressés à se nourrir une vibration plus basse. Donc, l'intérêt diminue pour du matériel qui est plus réflectif, qui est plus lourd, qui est plus astralisé. Donc, quand on touche à quelque chose de plus léger pour le mental. Par contre, ultimement, il faut être capable d'être libre même de l'instruction qu'a véhiculée Bernard et de ne pas être fasciné par lui. Et c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident, étant donné que ce qui arrive, c'est qu'il a amené l'instruction supramentale à un niveau extrêmement élevé à travers ses propos, à travers ses conférences, ses enregistrements, qui fait en sorte que son matériel est très avancé. Et peut-être que ça va prendre 2500 ans pour à l'humanité terrestre de l'intégrer massivement. Alors que lorsqu'on écoute, par exemple, des conférenciers dans le domaine de la croissance personnelle ou du nouvel âge, bien là, on voit qu'il y a un raffinement au fil du temps. Donc, on écoute des conférenciers dans les années 90 qui avaient plus tendance à citer la Bible, des passages plus religieux. Là, on voit que dans les débuts des années 2000, c'est moins présent. On fait plus référence à des notions de psychologie populaire. Donc, il y a un changement qui s'opère dans certains cas. Donc, les gens se détachent progressivement de la forme, mais un peu comme le domaine de l'informatique, si je fais une comparaison. Vous pouvez acheter un ordinateur qui va fonctionner avec le logiciel Windows 8. Par la suite, on donne l'information, l'instruction au compte-gouttes. Vous passez quelques années après à Windows 10. Puis là, ensuite, il va y avoir un autre modèle. Donc, il y a Windows 7, Windows 8, Windows 10. Et ça évolue comme ça au compte-gouttes au fil des ans. Mais si vous auriez l'occasion d'avoir accès au logiciel Windows 2500 qui comporte l'ensemble des réalisations qui vont être effectuées au fil des 2500 prochaines années sur un ordinateur, ben avouez que ça serait beaucoup plus intéressant à utiliser comme matériel parce que plus avancé que de faire tout le temps l'achat d'un ordinateur qui peut supporter un type de logiciel. Ensuite, la nouvelle version devient trop lourde. Donc, quelqu'un qui passe de Windows 7 à Windows 10, des fois, c'est plus difficile. Là, il faut que la personne change d'ordinateur. Donc, ça demande du temps, de l'énergie. Puis, c'est un savoir qui est présenté au compte-gouttes, qui se raffine, qui est expérimental. C'est-à-dire, c'est étape par étape. Alors que si, du jour au lendemain, en un claquement de doigts, on aurait accès à un logiciel informatique qui serait valide pour les 2500 prochaines années parce qu'il serait suffisamment sophistiqué, suffisamment en mesure de traduire adéquatement la réalité. Au lieu qu'on ait acheté constamment des ordinateurs qui sont bons 4-5 ans et qui deviennent rapidement désuets, ben, ça serait beaucoup plus intéressant de travailler directement avec la forme définitive plutôt que d'y aller avec l'essai-erreur. Et c'est un petit peu le rapport que je vis à l'égard des enregistrements de Bernard de Montréal et son instruction. Et peut-être que ça fait écho à certains d'entre vous dans le sens que son matériel a une certaine portée intemporelle, en ce sens que présentement, au moment où ce que j'écoute les enregistrements, on est en 2017. Et j'écoute des enregistrements qu'il a produits au début des années 80. Et ces enregistrements ont pas mal vieilli, à la différence de certaines musiques des années 80. Donc, autrement dit, c'est des enregistrements où ce que les principes qui sont véhiculés à travers sa parole sont toujours pertinents, sont toujours à propos. Donc, il y a une certaine intemporalité à travers le contenu qu'il véhicule, ce qui fait que ça devient fascinant, à la différence de d'autres conférenciers qu'on va écouter, qui ont produit des enregistrements là, des années 80 ou des livres. Et là, ah non, ces propos-là, ça a plus ou moins bien vieilli. Il y avait trop de fascination pour les extraterrestres ou il y avait trop de fascination religieuse. Donc, on voit par exemple dans un vieil enregistrement un conférencier citer abondamment la Bible et ainsi de suite. Donc, j'ai pas nécessairement, j'ai rien contre la Bible, ça peut être utile pour certains individus, mais le point c'est que il y a certains matériels qui ont été faits qui ont mal vieilli dans le sens que ça n'a pas tenu compte d'où ce qu'on est aujourd'hui et qui, à quelque part, les mises à jour qui ont été faites fait que c'est désuet, c'est dépassé, c'est démodé. Les formes qui étaient véhiculées à travers ces conférences de certaines personnes, quand on regarde ça avec le recul aujourd'hui, quelques années plus tard, 30 ans plus tard, ben, on dit non, ça c'est dépassé, c'est désuet. Alors que l'instruction de Bernard, qui justement visait non pas à véhiculer des formes, mais une vibration derrière la forme, a une certaine actualité encore présentement, ce qui fait que je me tanne pas d'écouter ces enregistrements. Donc ça fait un peu plus de. Je dirais que ça fait à peu près 13 ans que j'écoute activement ces enregistrements. Et je me tanne pas parce que présentement, je n'ai pas vu de conférencier qui véhicule une vibration aussi haute. Et c'est là que vient le moment de faire un appel à tous. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui connaissez des conférenciers ou conférencières, ça peut être également des femmes, bien entendu, qui véhiculent une vibration qui est extrêmement haute au niveau supramental, vous pouvez m'écrire un message en bas de cet enregistrement ou également m'envoyer un courriel à l'adresse davidlevesque@commercial.com parce que je serais intéressé à découvrir d'autres personnes parce que là, ça fait 13 ans à peu près que j'écoute quand même assez intensivement les enregistrements de Bernard. Il y a parfois des gens qui me présentent des liens vidéo qu'ils me partagent de conférenciers, de communicateurs, de gens dans les médias, de documentaires, et ainsi de suite. Mais je trouve que la vibration n'est pas aussi élevée que ce que véhiculait Bernard. Donc, j'ai souvent de la déception que je vis. Mais peut-être que ça existe. Peut-être qu'il y a des gens qui prennent la parole. Je ne demande pas nécessairement que ça soit aussi élevé que Bernard, mais que la vibration soit forte parce que à un moment donné, d'écouter tout le temps Bernard parce qu'il n'y a pas d'autre chose, ça devient un petit peu ennuyeux. Parce que normalement, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la possibilité d'écouter une variété de conférenciers qui prennent la parole d'une optique supramentale pour, par exemple, commenter l'actualité, pour parler de qu'est-ce qui se passe dans les pays du Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passe également en Europe, en Amérique. Commenter les dernières découvertes scientifiques, donc d'avoir un regard supramental sur la situation, plutôt que sensationnaliste, comme le font certains animateurs dans les médias de masse, serait intéressant. Donc c'est sûr qu'éventuellement, il y aura sans doute des gens qui auront une sensibilité plus élevée qui prendront la parole, mais à défaut d'avoir accès à du matériel qui véhicule une vibration élevée, ou qu'il y en ait peu, j'ai décidé de prendre moi-même la parole pour manifester un matériel qui me sert à exprimer ma vibration. Et c'est sur le point que je veux en venir, parce que lorsqu'on est fasciné par Bernard, on vit au crochet de son identité, mais on ne développe pas sa propre identité. Et pour arriver à développer sa propre identité, ben, c'est d'avoir l'audace de prendre la parole. C'est d'avoir l'audace également d'écrire pour manifester sa conscience à travers des propos qui sont tenus. Et c'est le point qui va permettre de se libérer de la fascination pour Bernard de Montréal, pour le supramental, pour toutes sortes de choses. C'est d'être capable non pas de vivre en fonction d'un rapport à un individu extérieur à soi qui a atteint un niveau élevé vibratoire, d'une manière continue en agissant comme étant son disciple ou son élève, mais plutôt d'être capable de manifester soi-même de manière autonome sa conscience et d'avoir l'audace de prendre la parole pour devenir son propre foyer de rayonnement, tel un soleil qui s'allume. Et c'est ça, de mon point de vue, ce qui va permettre à certaines personnes de se libérer de la fascination de Bernard. Bien sûr, c'est pas quelque chose de facile à se libérer, étant donné que traditionnellement, on a été habitué et conditionné au fil des siècles d'agir en fonction de figures de référence, que ce soit dans le passé par les maîtres, par les gourous, par les prêtres qui nous disaient quoi faire. Par la suite, il y a eu des gens qui ont fait du coaching, il y a eu des psychologues, il y a eu également des chamans, il y a eu toutes sortes de personnes qui avaient toujours un rapport dans lequel ils se positionnaient comme étant au-dessus de l'individu pour lui dire quoi faire dans sa vie. Et nous, en tant qu'âme, eh bien, on avait tendance à les croire et agir ainsi de suite. Donc, la plupart des gens, ben, ils étaient des disciples, ils étaient des élèves, ils étaient des suiveux de différentes personnes. Et puis, à un moment donné, quelqu'un se présente et prend la parole pour nous dire qu'il faut arrêter de croire. Et il faut arrêter de vivre en fonction des maîtres. Il faut arrêter de vivre en fonction des autres pour s'individuer et vivre en fonction de soi-même. Mais le problème, comme on est conditionné à croire et à être des suiveurs, ben, on peut avoir tendance à suivre la personne qui vise à véhiculer une instruction qui a pour but de nous amener à arrêter d'être des suiveurs. C'est un petit peu paradoxal parce qu'on est conditionné culturellement à être des disciples au niveau de l'âme, à être des suiveurs de quelqu'un d'autre, que l'autorité est toujours extérieure à soi. Mais quand quelqu'un nous ramène au fait qu'à quelque part, il faut être autonome dans sa psyché, il faut être sa propre autorité, il faut être capable de décider par soi-même, il faut être capable à un moment donné de développer une maturité psychique et une autonomie vibratoire pour être libre réellement dans sa psyché, même lui, on peut avoir tendance à le croire et à vouloir le suivre. Et surtout si sa vibration est plus élevée que la nôtre, ben, à ce moment-là, il y a un rapport facilement de disciple à maître qui peut s'installer dans notre façon de concevoir sa tête. Donc, mais le paradoxe, c'est qu'une personne peut nous dire d'arrêter d'être des disciples, des suiveurs, des élèves, pour éventuellement rayonner soi-même, mais si on est trop attaché au principe qu'il faut tout le temps se référer à quelqu'un extérieur à soi, même lui, on ne l'écoutera pas. Et c'est là qu'il est important d'arrêter d'être fasciné par n'importe quel individu, d'être dépendant de tout le temps quelqu'un extérieur à soi pour à un moment donné vouloir manifester son énergie, sa vibration. Et c'est le moyen réel qui va permettre à la personne d'atteindre son autonomie psychique et d'arrêter d'être fasciné par toute forme d'être, que ce soit des extraterrestres, anges ou peu importe. Il faut être capable de se mettre en position d'autorité dans sa propre vie par soi-même, non pas pour empiéter sur le territoire des autres, mais pour prendre sa juste place dans sa vie, dans ses rapports en société, dans ses rapports au travail avec ses amis et également avec les gens de notre famille pour pas se faire marcher sur les pieds par rapport aux autres, pas être des suiveurs, mais être capable de dire ce qu'on a à dire et d'être capable de s'affirmer d'une manière qui est réelle pour éventuellement manifester sa propre vibration, parce que c'est le seul moyen qui nous permet d'être réellement libre dans sa psyché, parce que sinon on est toujours à la remorque d'un individu ou d'une entité extérieure à soi qui va nous dire quoi faire. Donc voilà l'essence du message que je voulais véhiculer. Non pas que d'écouter les enregistrements de Bernard, c'est pas intéressant. C'est vraiment très intéressant, surtout qu'ils sont en grande quantité. Mais à un moment donné, il faut être capable d'aller au-delà de son instruction pour être capable de manifester réellement sa propre individualité Et c'est pas évident parce que, historiquement, et peut-être sur de nombreuses incarnations en tant qu'âme, nous n'avons pas eu l'opportunité de prendre la parole. Nous n'avons pas eu l'opportunité de dire tout haut ce qu'on pense. La liberté d'expression, c'est un phénomène qui commence à peine à émerger à la surface de la Terre, surtout dans les pays démocratiques avec la liberté de presse, mais qui est nouveau sur le plan historique parce que l'humanité a passé des millénaires dans un état d'obscurantisme où la société était gérée par des dictateurs, par des rois, par des gens qui amenaient les autres à croire à leurs propos et qui empêchaient l'expression individuelle. Alors que là, on commence à avoir un peu plus de possibilités à s'exprimer, en tout cas dans les pays occidentaux. Et c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser cette fenêtre d'opportunité, notamment à travers les nouvelles technologies comme Internet, que ce soit YouTube, qui donne la chance de s'exprimer gratuitement sur une chaîne de diffusion vidéo pour avoir l'audace de prendre la parole et de manifester son rapport consciemment avec l'esprit et également manifester le verbe créatif qui peut émerger. Sinon, en terminant, je vous mentionne qu'il ne sert absolument à rien de m'écrire un message par courriel ou par YouTube dans l'espoir d'obtenir les enregistrements de Bernard de Montréal auxquels je faisais référence précédemment. Donc, ça ne sert à rien de m'écrire étant donné que je ne dispose pas des droits d'auteur se rapportant à ces... il y en a au-dessus de 500 enregistrements que j'ai eu accès, mais je ne peux pas les diffuser sur Internet. Par contre, si vous voulez avoir accès à ces enregistrements-là ou toute forme de matériel qui se rapporte à Bernard de Montréal, vous devez contacter les responsables de sa succession, donc les membres de sa famille, ou également Richard Glenn, qui a effectué des entrevues avec lui dans le passé, et ce dernier dispose des droits d'auteur là, à l'égard des entrevues qu'il a effectuées avec lui. Donc, c'est ce qui va compléter vraiment cet enregistrement. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent trouver déplorable qu'il y ait une très grande quantité de matériel de Bernard qui ne soit pas accessible. Donc, il y a au-dessus de 500 enregistrements sur 25 ans, sans compter les livres, et qu'il y a certaines personnes qui voient ça comme si on empêchait d'avoir accès à des théories d'Einstein ou quelque chose qui a une portée révolutionnaire pour l'humanité. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des lois humaines qui doivent être respectées. Donc, c'est sûr que je n'ai pas le droit de véhiculer le matériel d'autrui. Je n'ai pas le droit de mettre de ces enregistrements sur cette chaîne YouTube. Par contre, j'ai le droit de prendre la parole pour manifester ma propre vibration et être capable de canaliser du matériel. Et c'est peut-être le fait que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait présentement en matière de conscience supramentale dans les médias et sur Internet, que fait que j'ai osé sortir de ma solitude et mon isolement et réaliser cette chaîne sur YouTube pour prendre la parole. Donc, c'est l'absence de véhiculation d'une vibration qui me satisfait à travers ce qui est présenté. Donc, c'est cette insatisfaction et qui m'a amené à quelque part à prendre la parole. Donc, c'est à travers le manque de quelque chose que ça m'a amené à vouloir manifester ce que j'ai besoin. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre, que lorsque je fais des enregistrements ou ce que je parle, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit, où je réponds à des questions. Ça m'amène à être capable d'être autonome pour faire émerger en moi des réponses, et c'est pas mauvais en soi. Donc, le fait qu'il y ait peu de matériel présentement, finalement, m'amène à me définir à travers la parole plutôt que de vivre en fonction du matériel disponible. Donc, à quelque part, vu d'un certain point de vue, ça force les gens qui veulent qu'une vibration soit manifestée, de prendre la parole pour la générer.